médias sont des médias de parti pris. Revendiquer la repolitisation de la question médiatique ou refaire des médias à une question politique, c'est-à-dire ce qu'elle est. Évidemment, c'est un engagement, et c'est un engagement qui n'est pas simplement culturel. C'est un engagement qui a un sens politique tout à fait précis. Est-ce que t'entends ? On lutte pour une réappropriation démocratique des médias. Objectivité, non. Exactitude, oui. Mais les faits exacts sont toujours solidaires d'une interprétation. Sur Radio Thieu, 89.5. Bonjour à tous et à toutes, bonjour aussi aux autres. Bien entendu, vous entrez dans Plus Fort, j'entends rien, le Mac d'actu tout terrain. En direct le mercredi à midi, rediff à 19h et le jeudi à 8h. Aujourd'hui, le programme de ce magazine est balisé tel une ligne droite pleine de virages, car ce sont les meilleures lignes droites. Ce sera un magazine consacré à l'actualité musicale. Et oui, on va faire une grosse heure d'écoute et de propositions sorties de mes petites poches. Mais vous allez voir que c'est un treillis avec de nombreuses poches que je vais vous proposer aujourd'hui. Grosso modo, deux parties. Première partie, les sorties de ce mois d'avril. Seconde partie, et à ce niveau-là, eh bien, les personnes les plus chauvines de Saint-Étienne pourront fuir. Seconde partie consacrée à une actualité autour de la ville de Lyon et du Rhône, eh oui. Mais vous allez voir qu'on va parler aussi de plein d'autres choses, puisque le monde est quand même fait de croisements. Heureusement. On commence par la nouveauté la moins nouvelle, histoire d'être totalement cohérent et bien dans le thème. Quand je l'ai mis lecture sur ce disque, je me suis dit waouh, c'est bien, c'est vraiment pas mal. Ça me rappelle des trucs, etc. Puis bah ouais, en fait, c'est une réédition de 1999 qui sort ce mois d'avril. Le groupe, le projet s'appelle Natasha Terton, T-E-R-T-O-N-E, album, premier et unique album de ce projet, Le Grand Déballage, donc sorti le 5 avril dernier. Et une pop française, lo-fi, qui rappelle les bonnes heures du premier album de Dominica, des Brochettes ou du premier Françoise Breu. Ça s'était passé dans le nord de la France, cette aventure, un disque bien perché, assez naïf, assez frais, assez crade, assez sale, qui m'a fait du bien. J'espère qu'il vous en fera aussi. On commence donc avec la 9e plage de cet album, qui s'intitule Déjà le temps. Déjà le temps faisait son affaire de nettoyer ma mémoire pour que jamais plus elle n'opère. De retour sur cette histoire qu'aujourd'hui seulement je digère. Après mains et mains déboire. Thank you. On enchaîne sans transition aucune vers une autre géographie et une autre esthétique pour un disque qui est sorti lui aussi la semaine passée. Il s'agit de Michel David and the True Tones. L'album s'intitule Brothers and Sisters. C'est chez Record Kicks. Et si vous êtes amateur et amatrice de soul music, le nom de ce label a dû évoquer le bon goût contemporain de la soul mondiale. Un album en quatuor, sans cuivre, assez sobre, assez granuleux comme soul. Michel David, comme bah, ça arrive un peu régulièrement dans la soul music, a commencé petite à chanter à l'église du côté de New York, donc. Et là, elle sort cet album qui m'a fait du bien aux oreilles. Je vous propose le morceau More Grace tout de suite sur le 8-9-5. I decided a few years ago wasn't gonna worry about friends or foes. Gotta walk of this journey for me. May have to ride upon the raging seas, but oh, with a little more grace, I can see beyond this place. Yeah, sometimes you get caught with your work undone, and then you pay the cost. No greater truths are just failing times. They're just lessons that can be rewind. Oh yeah, oh yeah. But oh, with a little more grace, I can see beyond this place. Yeah, got no reason to give up now, even when my mind keeps telling me why. I believe there's a mightier plan. Wanna be in the number, on this I stand. Cause oh, with a little more grace, I can see beyond this place. Yeah, more grace. Ah yeah, I just a little more grace. I just a little bit. I just a little bit. I just a little bit. Just a little bit, but oh, with a little more grace, I can see beyond this place. Oh, just a little more grace, I can see beyond this place, yeah. Michel David, à l'instant sur le 8-9-5 de Radio Dio. Autre proposition musicale qui sortira à la fin de ce mois d'avril cette fois-ci. Il s'agit d'un trio au nom que je vais sans doute écorcher, puisqu'il s'appelle Kyab Yula, K-Y-A-B-Y-U-L-S-A. Il est mené par Lobsan Chonzor, qui, comme son prénom l'indique, vous le savez peut-être, est un artiste qui vient du Tibet et qui, du coup, joue du luth et de sa voix avec la tradition musicale du Tibet qui est voire même assez méconnue par ici. Il est accompagné par deux personnes formées, elles, aux traditions musicales iraniennes et scandinaves. Alors, ces traditions s'entendent un peu moins, mais ça participe à un groupe un petit peu défricheur et multifrontière sur ce disque qui donne un aperçu et une couleur toutefois fort asiatique. Si vous appréciez ce qui va se jouer, bien sachez que cet album, qui s'intitule Murmure d'Himalaya, est à gagner sur le 895 de Radio Dio. N'hésitez pas à nous appeler 04 77 438 895 438 895 ou par mail prog@radiodio.org. Voici tout de suite la deuxième plage de ce disque que je ne nommerai pas. Kalari te moni tempe ya la so te mo kan la cha ye ti karin sin karabo ya kan la cha ye ti karin sin karabo ya la so kawapu yu me pa de narin sin de chu ya pu yu me dinari sinde cho chaîne à présent dans un autre registre, mais dans et le point commun, c'est la rencontre. Enfin, vous allez me dire, bon, la rencontre, finalement, c'est le point commun de beaucoup de choses. Et vous allez dire que je triche un petit peu sur la cohérence de cette sélection, et vous aurez totalement raison. Eh oui, et c'est pas moi qui vais vous contredire. Ceci dit, c'est pas une raison, justement, pour ne pas diffuser ce disque de ce mois d'avril, qui forcément aura retenu l'attention des grands fans de dub music. Il s'agit de la rencontre entre OBF Sound System et Irish and Stepaz, rencontre des générations de Sound System anglaises et françaises, avec un album Revelation Time sorti chez Dubquake Records. Une rencontre et des générations qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs une rencontre que vous pourrez peut-être dont vous pourrez peut-être vous délecter au mois de mai à Saint-Étienne. Brain Damage, Mad Professor, Adrian Sherwood, le grand monde du dub, le grand monde de toutes ces générations du skank, donc qui se retrouve ici. Alors concernant OBF et Irish and Stepaz, eh bien c'est l'album qu'on devait attendre, sans surprise et efficace. Je pense que tout le monde s'y retrouvera si vous aimez les deux. Grosso modo, eh ben ça donne ça. Ready? Red light. Everyone's got to know right now. We got to know where we're coming from and where we're going to. Yes. Got to know where we're coming from and where we're going to. Revelation Time sur le 895 de Dio. Radio Dio 89.5 FM. C'était Colin Junko sur le 895 de Dio, extrait de l'album Crabe Géant, pardon, sorti sur le label Junko Records ce 22 mars dernier, qui est entouré de plein de gens que je ne connais pas, mais que je vais quand même vous citer. Puisque quand même, c'est pas parce que je les connais pas que je vais pas les citer, tout simplement. En l'occurrence, Emmanuel Parnin, NS Dos, très drôle, It Gas, Pauline Jean, Léo Margue, David Nierman, et enfin, le seul dont j'ai connaissance, Quentin Rollet, saxophoniste free jazz, connu notamment pour ses rencontres avec toute la sphère un peu noise, rock parisienne, à travers aussi ses labels Rectangle Music et Bisou Records, qui se retrouve donc sur ce disque, comme vous l'avez entendu, assez méditatif, dont la présentation sur internet cite un nombre de genres musicaux et d'accointances musicales qui est telle que ça ne veut plus rien dire, mais que ça me donne presque envie, moi qui n'aime pas trop parler de style, de tous les citer de manière exhaustive pour bien voir à quel point ça veut dire quelque chose et en même temps rien du tout. Ambient, drone, abstract, free jazz, electronic music, spirituals, psychédélique, free improvisation, post-rock, musique concrète, expérimentale, new age, méditative, avant-garde, dub, trip-hop, thérapie et contemporary. On dirait tous les tags possibles qu'il peut y avoir sur internet pour que vous trouviez un petit peu où mettre une musique qui n'a de place nulle part finalement. C'est ça qui se dit. Si vous avez apprécié ça, sachez quand même que je vous ai passé le morceau le plus FM et pop du disque, puisque la plupart font entre 15 et 25 minutes. Donc c'était le seul format de 5 minutes donc de ce John Coe. On va continuer à défricher avec un projet dont je vous ai déjà parlé. Il fait partie de ces projets que j'aime beaucoup et qui a ouvert un petit peu la brèche entre le fait que l'Europe connaisse un petit peu les expériences plus rock qui viennent du continent africain. En l'occurrence, là, il s'agit de Avalanche Kaito. Avalanche Kaito, en fait, c'est la rencontre entre Kaito Vincé, qui est un griot du Burkinabé, et un duo de noise, post-rock, punk belge. Ils avaient déjà sorti un disque qui finalement s'appelait Avalanche Kaito, comme souvent un premier album. Et là, eh bien, sortent ce disque qui cette fois a un titre, puisque ce n'est plus le premier. Et oui, bien entendu, il s'intitule Tali Takum. Il sort chez Glitterbeat ce mois d'avril. Alors on reste quand même dans un rock assez incisif et nerveux, avec la voix de trance de Kaito Vincé, et avec des petites ouvertures un petit peu moins abrasives, un peu moins agressives aussi par moments, presque des petites touche un petit peu de groove, voire d'influence électronique qui viendrait lier la musique africaine et la noise avec quelque chose d'un petit peu, des petites touches comme ça qui bougent un peu plus doucement. J'ai choisi de vous montrer ce nouvel aspect un petit peu d'Avalanche Kaito avec ce morceau qui s'intitule Tavunse, tout de suite sur le 895. Kuga, Tangwena, Muniki, Mam, Totoroto, Atatata, bagam bulu gam pa pa pa pa pa pa pa pa mini gin changam be ti pa ndegene ko ya ningi busuri kuka kuka kuka kuka kuka kuka kuka kuka tangwena mini gin mam to to to to ta ta ta ta mini gin ba bagam chum pa dikum du ni bagene bodi la la la la la dunia o zero se wa ikirare ye so da huka tero nyala dunia o zero se wa ikirare ye so da huka tero nyala dunia o zero se wa ikirare ye so da huka tero nyala T'en vous, c'est. 8, 9, 5, Radio Dio. Plus fort, j'entends rien. Avalanche Kaito a ouvert un petit peu la brèche pour écouter de la distorsion et c'est ce que nous allons faire dès à présent avec trois propositions qui rendent hommage au monde du rock'n'roll et pour bien dire que oui, on a tendance parfois à l'oublier, mais non, il n'est pas mort. Et on va commencer en Belgique avec un quatuor qui s'appelle Billions of Comrades et qui sort cet album trop top, sorti le 12 avril prochain sur les labels Rocker Hill Records et Black Bassé Records. C'est clairement du rock qui se danse et qui se danse de travers, qui se danse de manière nerveuse et qui se danse aussi en pensant un petit peu au monde qui nous entoure, puisque en parcourant un petit peu la présentation de leur album pêle-mêle, je peux lire remplacer la peur par le plaisir d'être ensemble, humble participation à la lutte contre les violences policières, notre vision du ACAB avec une note d'espoir pour le futur, ou encore secret du consentement et de la bienveillance dans la construction d'une relation homosexuelle. Bref, pas mal de thématiques qu'on n'entend pas forcément tant on est happé par les cassures monstrueuses de ce qu'il conviendrait d'appeler... Non, je vais pas le dire. Il y a sûrement un style musical qui correspond à Billions of Comrades, mais je vous laisse ne pas le trouver vous-même. In the same room, dimes white booty, fine to sex. In the same room, ladies old booty, fine to sex. In the same room, Karim's young booty, fine to sex. In the same room, Sasha dumb booty, fine to sex. In the same room, Hardo's white booty, fine to sex. In the same room, Joseph's white booty, fine to sex. In the same room, Chris died booty, fine to sex. In the same room. Fuck of mine, get a fuck of mine, Eden. If you're still inside without any sign, insane. We deserve the best, this will be perfect. Even when she does, every time you go, girl, she always asks me for a kiss. Consent is still the only key. People all around, listen to what. Every time you go, girl, she always asks me for a À l'instant, c'était Madame sur le 895 de Dio, M-A-D-A-M. Madame, qui est un trio de musiciennes venues sans doute de quelque part en France, mais elles ne tiennent pas spécialement à préciser d'où. Ça avait sorti déjà deux EP avant, le dernier en date d'ailleurs. Avait pas mal tourné sur le 895 de Dio. Et là, c'est un premier album sorti donc chez Break a Leg Records. 12 titres au compteur, pas plus de 3,30 au compteur de vitesse. Et on retrouve les ingrédients du EP, quelque chose d'un cocktail assez Riot Girl. Beaucoup de thématiques féministes dans les textes, mais pas que. Un très beau morceau d'entrée, La Meute, que vous retrouverez en rotation sur le 895 de Dio. Et un groupe qui, à mon avis, mérite largement d'être vu en concert. Autre proposition rock'n'roll, et cette fois avec tous les délices de certains clichés du rock'n'roll, The Darts, avec mon accent incroyable toujours, sort un album qui s'intitule Boomerang, et ça sort ni plus ni moins sur le label Alternative Tentacles. Alors peut-être certaines d'entre vous ne connaissent pas Alternative Tentacles, et ça n'est pas grave, mais c'est par contre l'occasion de réparer un impair, puisque ce label de Jello Biafra, chanteur des Dead Kennedys et de plusieurs autres groupes assez indispensables, a accompagné les expériences de rock bruyant et politique de bon goût depuis quand même pas mal d'années, donc allez donc vous pencher sur ce cas. Et là en l'occurrence, c'est un projet tout ce qu'il y a de plus garage, nerveux et punk dans l'esthétique. Quatre femmes en perfecto et mini short avec des lunettes de soleil qui, à mon avis, ont l'air d'être des bêtes de scène et qui, si j'ai bien compris, ont un peu explosé aux États-Unis, puisqu'il y a un de leurs morceaux qui a été utilisé dans la série Peaky Blinders, donc tout le monde a kiffé la BO. Donc voilà, bam bam, boum, hop, Jello Biafra content, boum, il signe, tac tac, hop, plusieurs labels en coprod, blablabla, blablabla. Et voilà, on pourrait en parler. Il y a aussi de la soul un peu crade, ça mélange bien toutes les influences et ça n'oublie pas quand même quelque chose de très important. Le rock'n'roll, ça vient de là, ça vient du blues. J'entends rien. Et dernière partie d'émission consacrée cette fois à quelque chose qui a la couleur du Rhône. Eh oui, tout à fait. Et pourquoi cette thématique autour de la musique du 69? Eh bien, parce qu'il y a plusieurs sorties, parce que c'est pas loin, c'est à côté qu'il faut soutenir, et aussi parce que, mine de rien, cette semaine, dans les coups de cœur de la Ferraroc, il y a deux disques qui viennent de Lyon. Donc ça mérite quand même de faire un petit focus. On va commencer par le premier. Bernier, qui fait du rock qu'on écoute sous la douche avec le sourire, qui revient et ça sonne toujours un peu comme ça. C'est fort agréable, ça s'appelle Johnny Car Wash, et franchement, bah, en plus, ça va bientôt jouer à Saint-Étienne. Surveillez les infos, il me semble que ce sera du côté du clapier. Et le deuxième coup de cœur Made in 69 de la Ferrarock cette semaine s'appelle Fonce Dalle, c'est un trio. J'avais découvert il y a un an et quelques avec un premier EP que j'avais trouvé pas mal du tout. Et puis ça avait joué à Synthé avec quoi ? Avec Psychotic Monks, me semble-t-il, en première partie. Alors là, j'avais quand même un peu moins accroché, notamment à cause d'un petit excès de testostérone masculine en concert, qui voulait à tout prix que ce soit nerveux, et enfin, vous voyez ce que je veux dire un petit peu. Là, ça m'avait pas aidé vraiment à rentrer dedans. Puis là, je réécoute ce nouvel album qui s'intitule Fonce Dalle, sorti chez Exag Records. Puis je trouve ça quand même pas mal, donc visiblement, c'est quand même sur disque que je préfère Fonce Dalle. C'est un mélange de rock et d'électro qui est plus contrasté, justement, sur disque. On se permet un petit peu de douceur, de cassure, etc. comme sur ce deuxième morceau de ce disque qui s'intitule Mégane et qui est à gagner si vous appelez au 77 438 895 ou par mail contact@radiodio.org. va parler d'actualité concert à présent sur le 895 de Radio Dio. Et pas n'importe laquelle, puisqu'on va commencer par une soirée lyonnaise. Eh oui, les soirées lyonnaises, ah là là là là là là. Une soirée lyonnaise, mais relativement indispensable, et baptisée la Nuit Fantôme. Ça aura lieu du côté de Grande Zéro, à Vaux-en-Velin, donc ça sauve un petit peu l'affaire peut-être pour certains et certaines. Et c'est une nuit fatigante autant qu'exaltante qui se profile ce vendredi 12 avril avec une programmation gargantuesque à n'en plus finir qui sent la fin de soirée aux aurores quand il fait jour à attendre un tram ou ce genre de choses, si vous voyez un petit peu de quoi je parle. Bref, il y aura de très nombreuses propositions que je kiffe moi, alors peut-être vous kifferez pas vous, mais en tout cas il y aura déjà un groupe culte des années 80 et remonté notamment autour de la chanteuse Mona Soyok. Il s'agit de Cass Product en version 2020, Cass Product Reload, un rechargement donc pour ce groupe de post-punk qui quand même a parcouru les générations. Il y aura le duo suisse Bound by Endogamy, sorti pour prouver d'ailleurs qu'ils font pas que des disques exotiques chez les disques Bongo Joe, un duo de Genève qui sent bon la rave mélangée à du punk. Il y aura le retour des Strasbourgeois de Télédétente 666, dont l'album Karen avait pollué il y a quelques années les ondes de cette même radio. Le groupe lyonnais-londonien Under 45, Vazoom, Mademoiselle, 3 ou 4 DJ, enfin bref, vous voyez, ça commence à 19h, ça finit à 5h, c'est annoncé pour 10 balles, et c'est aussi la release party d'un groupe qui n'est pas de Lyon, mais de Grenoble, mais bon quand même, on tisse un petit peu, on est en Rhône-Alpes, non de nom, et que vous connaissez aussi, puisqu'on en parle souvent à Dio, et ça s'appelle Love Atarax, avec 2X, qu'on avait interviewé d'ailleurs en compagnie de Camilla Sparks il y a quelques temps au Périscope à Lyon, et oui, la boucle est bouclée, et qui sort un nouvel album, ça s'intitule Sophomore, sur le label Cold Transmission Music, et le duo continue à mélanger basse, guitare, synthétiseur et boîte à rythme avec des projections en live de la cold wave franchement dansante dans ce genre-là. Un autre concert de qualité à présent, et cette fois ça se passe du côté de Saint-Étienne, rassurez-vous, et un petit peu autour de ce que l'on pourrait appeler le Ramin Agrobis, mais pas vraiment que non plus, puisque deux événements un petit peu à annoncer. Vendredi 12 avril à 20h30, la compagnie La Fainure revient avec une performance qui s'intitule Hystérie, compagnie féministe marseillaise qui avait joué au Ramin Agrobis et que j'ai l'impression se recale un petit peu, mais cette fois du côté de l'Aléatronome, 15 rue Henri Gonnard. Et par contre cette fois, c'est au Ramin Agrobis, mais pas organisé par le Ramin Agrobis, vous suivez toujours, que dimanche 14 avril, il y aura une boum d'anniversaire spécial Kids, puisqu'elle aura lieu de 16h à 21h pour plus ou moins 5€, et qui a le mérite de nous offrir en cadeau le flyer le plus illisible de l'année. J'ai mis 25 minutes d'apprentissage de hiéroglyphes pour réussir à comprendre un petit peu ce qui se tramait, et heureusement j'ai croisé une personne qui organise la soirée qui m'a confirmé un petit peu, sinon j'aurais même pas osé vous en parler à l'antenne. Ça va commencer par une espèce de spectacle de clown musical, soi-disant pour enfants, paraît-il, en la présence de BMDD, Bronzy McDada. Et ce sera suivi par un duo venu notamment de Lyon, d'où la présence de ce concert dans cette thématique, bien entendu. Ce qui est l'occasion d'annoncer la sortie d'un nouvel album d'une personne que moi j'ai suivi et eu plaisir à écouter à chaque fois. Il s'agit de la chanteuse Marion Cousin. Et là, en l'occurrence, elle vient en duo, à deux voix, avec Héloïse Descazes. Et puis alors, le pire est à venir puisque le titre est en portugais. Comme a lancheta na mão, chance do trash os mante. Un disque donc qui explore la tradition de cette région du Portugal, mais ça sort sur le label Le Soul Records, donc c'est totalement bancal, avec des sons un peu bizarres dans tous les sens qui viennent casser un peu le délire, des polyphonies à deux voix, voire des voix accumulées qui rejoignent des claviers un peu faux, un peu tout niqués comme ça, des boîtes à rythme qui arrivent pour enlever un petit peu le rythme et faire monter la sauce. Bref, un disque assez improbable, très surprenant, mais qui pourrait autant ravir les personnes qui aiment les expérimentations que les personnes qui aiment les polyphonies traditionnelles. Et ça, et ben c'est quand même cool de le préciser. En plus de ça, il y aura en clôture de soirée un dance floor de très bon goût avec la Selecta, enfin j'imagine, de la Selecta de Dame Bambou. Bref, donc ce 14 avril, courez voir tout ça et courez aussi découvrir, si vous ne les connaissez pas, Marion Cousin et Héloïse Descazes. Estando todo na fila humana, estando todo na fila humana, no seu barco assentada, no seu barco assentada, com pente duro na mão, com pente duro na mão, seu cabelo penteava, seu cabelo penteava. Passo ali soldado, passo ali soldado, logo e arrochou a mão, logo e arrochou a mão. Agora, agora, soldado, agora, agora, soldado, é agora ocasião, é agora ocasião. Meu marido foi à caça, meu marido foi à caça, lá pros campos de Aragão, lá pros campos de Aragão. Se quiseres que ele cá não volte, se quiseres que ele cá não volte, roga-lhe uma maldição, roga-lhe uma maldição. Escarvos lhe acomam os olhos, escarvos lhe acomam os olhos, e a raiz do coração, e a raiz do coração. Sauvage, impertinent, Radio Dio. Radio Dio 89.5 FM. Mais les deux dernières propositions de ce Folk 69. On va commencer par une sortie toute fraîche d'un DJ producteur qui s'appelle Praktika PA. P-R-A-K-T-I-K-A, DJ français qui a l'air de beaucoup voyager en Afrique et qui se retrouve, bien entendu, à sortir sur le label lyonnais Blanc Manioc, enfin, lyonnais entre Lyon et Bamako, un petit peu, dans toute la clique, un petit peu des Midnight Ravers et de tout ça, dont on avait parlé aussi pas mal quand on a eu le plaisir d'interviewer Anti-Razor au fil, puisqu'elle a sorti plusieurs de ses premières parutions européennes sur ce label. Là, c'est un disque consacré beaucoup à la rencontre et notamment au son du balafon, mêlé à des productions, tout ce qu'il y a de plus électronique. Alors, ça va de trucs électroniques un peu plus doux à du kick complètement dance floor. Praktika pour cet album qui s'intitule Balani Factory, sorti ce 12 avril 2024. En France, ça donne ça. Une proposition hip-hop, non. Eh oui, un petit peu de boom-bap, même si c'en est pas. Il s'agit cette fois de Léo SVR. Alors, il a l'air de venir du nord de Lyon, ce qu'on appelle le Beaujolais, n'est-ce pas, toujours dans le Rhône, qui est plus connu pour son vin que pour ses productions boom-bap et trap. Et là, c'est plutôt de ça qu'on va parler, des productions assez modernes et franchement des instrus que j'ai trouvé vraiment hyper bien. Très très très très bonne surprise, 4 producteurs différents sur ce EP autoproduit que je vous conseille fortement et qui s'intitule, j'ai perdu ma ligne, Rap Instinctif Apologie. Écoutez, je vais tout simplement vous le passer, puis je vais pas spécialement en parler, je vais aussi vous saluer et je vais vous dire, bien écoutez, prenez soin de vous et de vos autres et continuez bien votre journée sur Radio Dio. Thank you. Faut faire rentrer, v'là les dalles, avant que ça se referme. Gros t'as changé, t'es bizarre, faudrait que tu te reprennes. J'ai pas donné autant ma gueule pour pas qu'ils se le prennent. J'essaie de cravacher, au moins autant qu'ils se plaignent. Faut faire rentrer, v'là les dalles, avant que ça se referme. Gros t'as changé, t'es bizarre, faudrait que tu te reprennes. J'ai pas donné autant ma gueule pour pas qu'ils se le prennent. J'essaie de cravacher, au moins autant qu'ils se plaignent. Mes lombeurs ils font que de râler. Tellement mes attentes elles sont grosses. Si tu me veux tu lèves la clause. C'est facile, y'a pas besoin de parler. Y'a ce truc dans la prod qui me rend zinzin. Le chemin est long, toujours au moins un. Ça pue la zaza jusqu'à chez le voisin. Je te vois follow, et puis des follow, et puis refollow. Ces rappeurs veulent galoche ou quoi? Est-ce que je donne les œufs là ou pas? T'as pas eu ton couplet, tu fais le bébé. Tous les jours l'épée, plate sur la teuté. Week-end dans le sud, oui je fais TB. Force à mes frérots dans le BTP. Moi j'suis dans un bureau et j'me gratte les couilles. La nuit au studio je verse les douilles. C'est joué bien avant que les scruteurs dépouillent. On les baisse, c'est n'importe quoi. Oui. Ils copient-collent après, ils demandent les droits. La charnière en pressing sur moi, j'mets à l'amende les trois. Faut faire rentrer, v'là les dalles, avant que ça se referme. Gros t'as changé, t'es bizarre, faudrait que tu te reprennes. J'ai pas donné autant ma gueule pour pas qu'ils se le prennent. J'essaie de cravacher, au moins autant qu'ils se plaignent. Faut faire rentrer, v'là les dalles, avant que ça se referme. Gros t'as changé, t'es bizarre, faudrait que tu te reprennes. J'ai pas donné autant ma gueule pour pas qu'ils se le prennent. J'essaie de cravacher, au moins autant qu'ils se plaignent.